Les formations civiles et sociales sud-coréennes ont livré le 28 juin, devant le siège du ministère de la Défense, le 170e meeting pour la paix et le désarmement. Elles ont dénoncé le ministère de la Défense qui a présenté au Parlement la demande d'augmentation de 5,3% par rapport à l'année passée du budget de défense pour 2017, sous prétexte de faire face à la menace nucléaire et aux missiles du Nord.